13h30 sur la première, voici Histoire vivante. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, histoire du néolibéralisme. On aurait pu penser que la peur allait donc gagner, puisque à la peur du chômage s'ajoutait la peur liée à la crise environnementale. Sciences sociales au travail. Donc, il ne suffit pas de se réunir pendant 3 ou 4 jours à Davos pour changer le monde. Quelques éléments de philosophie politique. Alors que nous allons quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni continuera d'être un défenseur mondial du libre-échange. Je ne sais pas comment ils font pour dormir la nuit. La situation n'est pas normale. Ils sont dans leur bulle entre personnes qui ont toujours eu le pouvoir. C'est le triomphe de la pensée unique. Je suis ici pour réaffirmer l'amitié et le partenariat de l'Amérique dans l'édification d'un monde meilleur. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, je suis Barbara Stiegler. J'enseigne la philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne. J'écris des livres de philosophie. C'est venu comment, ça ? C'est venu comment ? Bah, pour une raison assez simple, je suis un peu tombée dedans au départ, puisque mon père est philosophe. Il s'appelle Bernard Stiegler. J'avais cru comprendre. Voilà, donc la philosophie, c'était quelque chose à la fois de très familier et en même temps de parfaitement énigmatique. Je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Je trouvais ça très étrange. Quand j'étais enfant, j'avais du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Donc je ne dirais pas que c'était une chose familière. Mais c'était une chose à laquelle j'étais confrontée. Vous avez des souvenirs de repas familiaux où ça tourne autour de la table sur ces sujets-là et à la fois vous entendez, percevez, attrapez de ci, de là des choses ? J'ai plein de souvenirs, mais pas de repas familiaux. Plus de mon père me parlant de ces choses ou en parlant avec ses amis. Non, pas de repas familiaux. Avec une évidence chez lui, puisqu'on l'a reçu à plusieurs reprises au micro d'Histoire vivante, c'est une phénoménale clarté dans son expression orale. Absolument, oui. Ça a dû pour vous être un facilitateur. Alors, quand il s'exprime auprès du public, c'est extrêmement clair. Quand il discutait avec ses collègues qui eux-mêmes étaient parfaitement au courant de tel ou tel texte de Heidegger, il n'allait pas s'embarrasser de faire des rappels. Par conséquent, pour un enfant, enfin moi j'étais pas enfant, quand il s'est mis à faire de la philosophie et quand je l'ai vu discuter avec ses amis, j'ai entendu discuter avec ses amis ces choses, je n'étais plus du tout une enfant, mais c'était incompréhensible. Incompréhensible d'un certain point de vue, et en même temps, des choses passent toujours. Est-ce que ça vous a servi, cette dimension qu'il faut, j'imagine, nécessairement franchir, d'obscur jargon, avec la nécessité, et notamment dans l'exercice de professeur, de rendre clair ce qui est souvent, très souvent, complexe ? J'ai beaucoup de mal avec le jargon, je n'aime pas ça. C'est un terme péjoratif. Pour moi, d'ailleurs, c'est un terme péjoratif. Donc j'ai un principe d'économie maximale avec la technicité du langage. Je trouve que la technicité du langage, elle est nécessaire, évidemment. Mais en même temps, elle est dangereuse puisqu'elle peut produire une déconnexion avec l'affectivité dans laquelle se complaisent beaucoup, beaucoup d'intellectuels. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu autour de moi très jeune, parce que j'étais baignée dans le milieu intellectuel très jeune, que je n'ai pas cessé de voir ensuite, et que je n'aime pas. Par conséquent, quand je me suis mise à faire de la philosophie, j'ai toujours voulu tenir une ligne claire. Quand j'étais élève, quand j'étais étudiante, quand j'étais enseignante, quand j'ai écrit, toujours. C'est un mal français ou c'est un mal universitaire ? Je ne suis pas assez bonne sur le plan académique pour comparer les aires culturelles académiques, mais... Mais vous lisez, par ailleurs. Bien sûr, et de ce que je peux percevoir, c'est quand même un problème de l'intellectuel, je pense, en général. Je ne pense pas que ce soit un mal spécifiquement français, non. Je pense que les intellectuels, les universitaires, les scholars, comme on dit, les académiques qui sont dans ces champs de philosophie, sciences humaines, etc., ont eu pendant très longtemps tendance à se protéger avec ce savoir technique, ce jargon. C'est une forme d'évitement, hein. On peut comme ça éviter éternellement de s'affronter aux questions. La bonne nouvelle, c'est que je trouve que, alors même que cette tendance fâcheuse évidemment perdure et qu'elle y reste très lourde, évidemment, et qu'elle nous menace tous, moi la première, je veux dire, on est tous menacés par ça. Au même moment, on a quand même un effort je pense, un peu partout dans le monde, une génération nouvelle pour essayer de faire face aux questions que les publics éprouvent, aux questions qui se posent, je ne sais pas, la crise environnementale, etc., etc. On voit par exemple que les sujets de thèse en philosophie qui sont déposés maintenant sont très différents d'il y a une dizaine, il y a quelques décennies. Donnez-nous peut-être... Bien sûr. Alors, par exemple, à la fin des années 90, et ça a été comme ça pendant très longtemps, on était obligés de faire soit de la philosophie des sciences, soit de l'histoire de la philosophie. Enfin, vraiment, il fallait que ce soit extrêmement balisé dans un champ, un corpus, bon, soit très contemporain parce que c'était de la philosophie des sciences, soit beaucoup plus... Ancien, mais c'était très compliqué de faire une thèse sur un thème, par exemple, actuel, posant des questions. C'était absolument déviant. Aujourd'hui, on est même à des sortes d'excès inverses. Il y a un encouragement de l'institution, des universités, des institutions de recherche, une demande de la société, etc., pour qu'on aille plutôt dans une autre direction, à tel point même que l'histoire de la philosophie en est menacée, ce qui est très dommage. Mais on est passé à autre chose. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une génération nouvelle qui essaye, je trouve, de se confronter plus directement et avec plus de clarté et moins de jargon, peut-être, au problème de notre présent. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. La menace serait de quel ordre ? La menace. Quand vous dites l'histoire de la philosophie est menacée ? Oui, parce que on est une espèce de retour de bâton. Après toute une période où, de manière scandaleuse, on interdisait aux jeunes doctorants de faire des thèses qui ne soient pas enfermées dans un champ vraiment historique, lointain, mais dès que c'était trop contemporain, c'était mal vu, on était... Ça sent un peu l'expérience personnelle. Non, pas du même tout. Même pas, vous n'avez pas eu l'occasion, vous, d'avoir essuyé des refus. Ah, moi, pas du tout, puisque moi, j'étais complètement dans le, si je puis dire, dans le moule. Donc, moi, j'étais... je suis un pur produit de l'académie. Non, moi j'ai joué ce jeu qui m'allait très bien. Mais je me disais, c'est quand même dommage que tout le monde ne fasse que des thèses sur auteur. Faut que l'auteur ait au moins 50 ans ou 100 ans. Voilà. Pour le master, la maîtrise, je le comprends à ce niveau-là. Mais quand on passe au doctorat, on peut quand même envisager certains doctorats plus contemporains que d'autres. Voilà. C'était permis en philosophie des sciences à cause de la philosophie analytique. Mais ailleurs, c'était, histoire de la philosophie et rien d'autre. Et on est passé de cet excès à un excès un petit peu inverse, qui est de encourager les recherches, d'être sur des sujets d'actualité, ayant une actualité brûlante. Et donc, toute recherche sur le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, la philosophie ancienne, n'en parlons pas, et même le XIXe siècle, ça paraît maintenant compliqué d'avoir des postes sur ces profilés de cette manière. Bon, je parle en tendance, c'est encore possible. On a recruté un 18e à Bordeaux il y a 2 ans. Mais voilà, il y a un retournement qui a des côtés réjouissants, puis qui aussi peut conduire à des excès inverses. Restons un moment sur cette histoire de la technique, du langage, du jargon. Vous connaissez le nushu ? Non. C'est une langue qui est pratiquée, qui a été pratiquée par certaines villageoises de Chine pour parvenir à ne pas se faire comprendre par ceux qui pouvaient, les oreilles ennemies qui pouvaient les écouter autour. On pourrait peut-être changer le regard ou l'élargir. Quant à la question du jargon, est-ce que les intellectuels ont eu besoin également de se protéger, pas seulement pour préserver leur pouvoir, mais parce qu'ils pouvaient être à un moment menacés, que leurs pensées étaient hérésiarques, et qu'il leur fallait construire quelque chose qui relevait peut-être un peu de la forteresse ? Je ne pense pas non qu'il soit là le fait que l'académie ait jargonné tant de temps et continue à le faire. Je ne pense pas du tout que ce soit lié à une menace. C'est plutôt, par contre, ça peut être intéressant de gagner du temps. Vous savez, comme quand, là, par exemple, j'essaie de trouver la réponse à votre question et je gagne du temps en parlant. Voilà, ça peut valoir le coup de ralentir et de mettre une technicité et d'éviter le style direct, tout le temps celui qui prévaut dans les médias. Et c'est parfois important de faire des détours, de longs détours, et d'introduire une technicité, il le faut. Le problème, c'est quand ça devient une manière de se protéger, non pas d'une menace extérieure, qui serait, je ne sais pas qui, l'État, le président et les services secrets, ou les méchants patrons, ou je ne sais quoi, ça n'existe pas, c'est pas du tout, il n'y a pas de danger de cette sorte qui pèse sur les intellectuels qui sont dans l'académie. La plupart, ils sont fonctionnaires d'État, tout va bien pour eux, je veux dire, ils n'ont rien à craindre pour leur vie et leur statut, ils sont justement protégés, ils ont ce qu'on appelle une liberté académique, donc ils n'ont aucune excuse de ce côté-là. Quand on a cette grande liberté académique, qu'on a un salaire à vie, que rien ne nous menace, on n'a aucune excuse d'aller se dissimuler derrière je ne sais quoi. Bon, donc, d'ailleurs, personne ne songe à l'invoquer. Non, je pense que ce jargon, c'est une manière de ne pas se confronter à des questions difficiles et de éternellement différer le moment où on va se poser des questions difficiles, qui sont les questions qui angoissent les gens. Barbara Stigler, à Bordeaux, vous enseignez depuis combien de temps? Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu de l'audience? Est-ce que cette audience, depuis le moment où vous avez commencé l'exercice, vous l'estimez changée, relativement stable? Les étudiants ont beaucoup changé, enfin ceux que j'ai connus en tout cas. Moi j'ai commencé à enseigner il y a 25 ans. À l'université d'abord, ensuite j'ai été dans le secondaire, puis je suis retournée à l'université. Donc j'ai connu les étudiants d'il y a 25 ans dans différentes universités. Et je dis souvent que ce ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Je les ai vus changer sous mes yeux. Il y a 25 ans, les étudiants étaient très sympathiques. Les étudiants en philosophie sont souvent des gens qui ont vraiment envie de faire ça. Ils sont très motivés. Ils aiment la discipline. Ils ont du respect pour la discipline. C'est par exemple, c'est une audience face à laquelle on n'a jamais besoin de demander le silence ou de demander de travailler ou de demander du respect. Ce sont des étudiants assez extraordinaires. Quand on va enseigner dans d'autres disciplines, on voit bien que c'est pas le même type de public. Donc, ils étaient absolument délicieux comme toujours. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour travailler, etc. Comme toujours les étudiants en philosophie, enfin une bonne partie d'entre eux, on va dire. Mais ils étaient très passifs, très très apeurés pour eux-mêmes, très inquiets pour leur propre avenir, obsédés à juste titre par la question de l'emploi, et bon, dépolitisés, complètement dépolitisés, très atomisés, hein, un peu apathiques. Et chacun restait dans sa problématique pour avoir ses examens. Et voilà, on avait, quand on comparait ça avec la légende dorée des universités des années 60-70, il y avait un monde, quoi. Et puis, j'ai vu ce public étudiant se transformer, littéralement sous mes yeux, en quelques années, après les années 2000. Et je mets ça sur le compte de l'immense transformation du monde en général qu'est la crise environnementale. À partir du moment où alors la crise environnementale, j'entends par là non pas du tout la crise écologique qui elle est extrêmement ancienne puisqu'elle remonte à la révolution industrielle, mais la crise environnementale, j'entends par là le moment où toute personne sensée et de bonne foi est gagnée par une angoisse immense concernant la suite, les prochaines décennies, les siècles suivants. C'est ça qui se passe après 2000. Après 2000, ce sentiment commence à s'imposer partout, y compris chez les décideurs, y compris dans les classes populaires, partout, dans tous les camps, etc. Ça a aussi des conséquences sur le type d'élève qui est en face de vous, est-ce que... Alors, je n'ai malheureusement pas, et ça manque un peu, mais à Bordeaux, on commence un peu à se pencher là-dessus, d'ailleurs, à travailler nous-mêmes, de manière expérimentale et autonome, sur à qui avons-nous affaire en première année. On a mis en place des choses comme ça, c'est très intéressant. Mais c'est des outils que je n'avais pas, que je n'ai pas eu sur le long terme, donc je ne sais pas très bien à qui j'ai affaire. Je leur pose pas de questions personnelles, pour ainsi dire, parce que j'estime qu'on est à l'université et que c'est important que ce respect de leur vie personnelle. Voilà, je leur demande au moment du master, de la maîtrise ou du master, quelle est leur situation personnelle au niveau du travail et financière, parce que c'est important d'en tenir compte. Mais quand j'ai mes étudiants de licence, je ne vais pas leur demander d'où ils viennent, que la profession des parents, ni quoi que ce soit. Donc je ne sais pas très bien si sociologiquement ce public a changé. En revanche, le comportement a complètement changé, l'attitude a complètement changé. Et on aurait pu penser que la peur allait donc gagner, puisque à la peur du chômage s'ajoutait la peur liée à la crise environnementale. Et étrangement, au lieu que ce soit un public terrassé par la peur, dorénavant, c'est un public très actif, plus du tout apathique, plus du tout individualiste et atomisé, qui s'est repolitisé. Mais ça, c'est dans le monde entier. Hein. C'est pas du tout spécifique, ni à Bordeaux, ni à la France, qui est en train de se repolitiser, qui s'informe en permanence, qui cherche des solutions, qui fait sa... L'étudiant de philosophie aujourd'hui, tout à fait standard, il fait sa licence de philosophie en se demandant si dans son master il va pouvoir travailler sur telle question qui l'inquiète aujourd'hui politiquement et socialement. Enfin, voilà l'étudiant d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'étudiant de la fin des années 90 qui était simplement terrifié par la question de savoir comment il allait avoir ses examens, est-ce qu'il allait avoir un travail, est-ce qu'il pouvait prétendre à enseigner. Voilà. Donc, c'est un grand changement. Et donc, par conséquence, pour vous, Barbara Stiegler, au niveau de la pratique, est-ce que on peut l'imaginer, ça a modifié votre rapport à eux et ce que vous leur enseignez, ou peut-être, sinon ce que vous leur enseignez, la manière, le style, la façon de leur enseigner? Je dis, moi, ça modifie pas grand-chose dans la mesure où, de toute façon, c'était ma ligne depuis le départ. pas de correspondance, pas de changement de gars. Ou plutôt, j'ai évolué comme eux, plus exactement. Mais il y avait aussi la question de l'âge. Moi, dans un premier temps, j'ai joué le jeu académique que je vous ai décrit au départ, de faire uniquement de l'histoire de la philosophie. J'avais bien envie de faire de l'histoire de la philosophie et autre chose. J'ai grandi, eux aussi, il y a eu tout ça. L'institution nous encourage aussi. Et la société nous le demande, et nos présidences d'université nous le demandent, de faire un travail universitaire qui soit, comme on dit, pour utiliser des formules un peu bateau, ancré dans la cité, enfin ce genre de formule toute faite. Mais ça veut dire quelque chose. Et c'est une chance. C'est une chance. À condition, ce que je disais au début, que ce ne soit pas pour sacrifier les savoirs académiques classiques, l'histoire de la philosophie ancienne, la philosophie médiévale, la philosophie classique. Ce qui risque d'être le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a une telle obsession de parler aux médias, parler à la cité, parler à la société civile, au monde du travail, enfin ça s'appelle pas comme ça dans les textes, le monde du travail, on parle pas de ce langage-là, mais parler en tout cas à la société, parfois c'est une telle obsession que tous les postes doivent être profilés sur des sujets archi-contemporains, voilà, et on tombe dans le travers inverse. Voilà. Moi ce que je veux tenir, c'est les deux, c'est-à-dire faire une philosophie qui répondent aux questions dont on souffre, nous, maintenant, aujourd'hui, mais en mobilisant des outils, des moyens, une technicité qui nous vient de toute l'histoire de la philosophie et de tout le passé et de toute, de toute cette histoire. Autrement dit, être joyeux pour Spinoza, mais j'en suis d'accord avec lui, c'est exister plus, exister davantage. On a affaire à des personnes humaines qui ont une vie morale, qui cherchent personnellement le bonheur, et qui ont en plus des questions d'ordre métaphysique. Ça veut dire qu'ils cherchent à savoir ce qu'elles font sur Terre. Et bien ce domaine, qui fait partie de la personne humaine, qui est propre à chacun d'entre nous comme personne, il a forcément une influence sur le domaine politique. Pour transformer la société, pour transformer les relations entre les individus, pour modifier les institutions, de s'appuyer sur, d'un côté, le modèle de l'entreprise, qui serait universalisable, qui serait généralisable, et d'autre part, la norme du marché. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les relations humaines et toutes les institutions devraient être gouvernées par un principe de concurrence. Je vais revenir à ce terme de média, Barbara Stiegler, parce que Vous imaginez bien que forcément votre interlocuteur direct se voit concerné dans l'expression. C'est un terme souvent invoqué, souvent également de manière relativement péjorative, en disant les médias comme une sorte de grand tout homogène. Alors peut-être qu'on peut arriver à distinguer, ou plutôt que de distinguer, j'aurais envie de vous demander, chose que j'aurais dû faire déjà au moins depuis 15 ans, mais c'est vous qui m'y faites penser maintenant, qu'est-ce que vous attendriez des médias pour que ces médias se mettent un peu au service de votre cause, le « vous » étant évidemment un « vous » collectif? Pour répondre à cette question, il faut s'entendre ce que sont les médias. Donc les médias, moi, pour réfléchir sur cette question, je pense qu'il faut reprendre, essayer de définir la chose de la manière la plus vaste possible. Ce qu'on appelle les médias, ce sont des moyens de communication. Voilà. Donc des moyens de communication qui ne sont pas seulement techniques, qui sont évidemment techniques, qui supposent tout un arsenal technique, mais qui supposent aussi des professionnels qui active ces dispositifs techniques. Ça ne va pas se faire tout seul, uniquement par des robots et des... Pas encore. Voilà, pas encore, en tout cas. Donc, il y a un intermédiaire professionnel. Il y a une corporation ou des corporations. Je ne pense pas que ce soit une corporation unifiée, mais il y a des corporations, il y a des métiers. Voilà, il y a des métiers liés aux médias. Moi, j'en attends énormément. J'en attends beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est indispensable. C'est indispensable quand on vit à l'échelle d'un village ou à l'échelle d'une toute petite ville, d'une toute petite cité, peut-être qu'on peut se passer de ces moyens de communication. Quand les questions politiques et sociales se jouent à l'échelle miniature d'un petit village ou d'une toute petite cité, par exemple Athènes, bon, peut-être, et encore. Mais quand... on est à grande échelle et nous sommes à grande échelle depuis fort longtemps. C'était absolument indispensable. Donc qu'est-ce que j'en attends ? J'en attends tout. C'est impossible pour moi de vous dire j'attends ceci ou cela. C'est fondamental. C'est-à-dire que j'attends que ce travail il soit fait par ces professionnels de la meilleure des manières pour qu'ils jouent leur rôle qui est absolument vital, indispensable. C'est pour ça que moi je n'ai pas... j'ai un rapport aux médias en général... a priori de respect, puisque pour moi c'est fondamental, on ne peut pas faire autrement qu'avec ça. Et par ailleurs, en même temps que j'ai ce rapport a priori de respect, je suis extrêmement exigeante et donc extrêmement mécontente de la manière dont bien souvent les médias se comportent. Vous n'avez peut-être pas non plus vu le travail que vous faites à devoir, comme certains de vos collègues sans doute, devoir constamment, systématiquement réagir sur l'actualité. Puisqu'un grand nombre d'universitaires, je pense à certains qui ont travaillé par exemple sur le secret bancaire en Suisse, sont au moment où ces affaires-là ont éclaté, se trouvaient à devoir répondre à tout bout de champ, au direct de 13h, de 18h, de 20h, avoir un avis sur tout et si possible dans l'espace de 22 secondes. Votre travail, votre secteur à vous, n'est pas sollicité de la même manière, si j'ose dire. On vous laisse du temps. Jusqu'à une date très récente, oui, mais à partir du moment où j'ai sorti le livre que j'ai sorti en janvier... Ça a changé. Ça a changé du jour au lendemain. Ouais. C'était fini. C'est-à-dire que... C'est cuit. Non, pas du tout, mais ça m'allait très bien. Mais je veux dire, à partir du moment où j'ai sorti ce livre en janvier dernier, j'ai eu une série d'interviews extrêmement intenses, très souvent, plusieurs fois par semaine, donc à un niveau très intense, où on n'a pas cessé de me demander de me positionner sur la crise des Gilets jaunes, sur Emmanuel Macron, sur des choses qui étaient quand même plus que brûlantes, puisqu'on était en pleine tourmente. Donc non, je m'estime pas du tout pas concernée par ce genre de situation, puisque je viens au contraire de la vivre. Et cette situation nouvelle, comment l'avez-vous vécue ? À ma grande stupéfaction, j'ai très bien vécu. Pour tout vous dire... j'espérais... N'allons pas jusque-là, mais enfin... Si, je vais aller jusque-là. Pour tout vous dire, donc, j'espérais que ce livre qui sortait chez Gallimard dans la collection NRFSC, qui est une très belle collection, qui est extrêmement visible, et qui est très, très... Voilà, les spécialistes du livre sont extrêmement attentifs à ce qui se passe dans cette collection, donc très grande visibilité. On espérait bien, avec Gallimard, qu'il y aurait quelques presses. Évidemment. Et le service de presse était évidemment très mobilisé, etc., et plutôt confiant. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant, par un hasard de la vie, j'étais en retard pour rendre mon texte. Le retard, parfois, ça a du bon, comme je raconte dans mon livre. Et donc, le texte est sorti 6 mois après. Et du coup, il est sorti en pleine tourmente des Gilets jaunes. Moi, je savais qu'il allait sortir en janvier. J'ai vu le mouvement arriver début novembre. J'ai commencé à voir qu'il se passait quelque chose de très étrange. Le 17 novembre, j'ai compris comme tout le monde qu'il se passait quelque chose de très important. Et là, j'ai été dans un drôle d'état parce que je me suis dit, ça va être vraiment bizarre la promotion de ce livre, puisque en fait, ce qui se passait sous mes yeux, j'ai beaucoup, beaucoup regardé, en particulier une chaîne d'information continue et délibérément, qui était BFM TV, et j'ai fait exprès, j'avais décidé de regarder BFM TV. Depuis ce matin, ici sur les Champs-Élysées, on entend Macron démission, Macron rend l'argent. Et je me suis dit, ça va être une drôle de promotion. Et donc, je n'étais pas très sereine, j'étais même très inquiète, parce que je me suis dit, le livre va tomber dans une tourmente. Le livre, évidemment, ne parle pas une seule fois de ce mouvement, ni du pouvoir en place, puisque le livre a été écrit des années avant et qu'il faut des années et des années pour écrire un livre comme ça. Mais il se trouve qu'il y avait un effet de résonance évident, et donc j'en ai un petit peu perdu le sommeil, comme tout le monde. Alors ensuite, donc le livre est sorti, et dès les premiers jours, il y a eu une réception vraiment... enfin voilà, un retour très très important de la part des journalistes, de presse, de grands médias, de quotidiens, de toutes sortes de presse. Et ils sont venus d'emblée me parler du mouvement des Gilets jaunes, d'Emmanuel Macron, des écologistes. Et on me demandait de réagir à chaque fois. Alors moi, j'étais très, finalement, à ma grande surprise, vous me demandiez comment j'ai vécu la chose. J'ai bien vécu la chose, parce que, premièrement, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, n'étant pas sur les réseaux sociaux, n'y étant jamais allé, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, et je n'irai certainement jamais, je pense, même s'il ne faut jamais dire d'une fontaine qu'on ne boira pas de son eau. Mais très honnêtement, je serais très étonnée d'aller sur les réseaux sociaux, à moins qu'ils se transforment, mais... En l'état, il n'en est pas question. Donc, déjà, ça, c'est une grande protection, puisque je n'ai pas du tout vu ce qui se disait sur moi ou sur ce que j'avais dit. C'est juste des amis qui, parfois... m'en parler vaguement, et de toute façon ça ne m'intéressait pas. Donc ça, déjà, je n'ai pas eu affaire à ça, ce qui est immense. Ensuite, j'ai juste eu à relire les interviews, puisque chacun m'a gentiment proposé de relire avec beaucoup de respect, et j'ai trouvé ça quand même très appréciable. Donc on a fait ce travail de réécriture ensemble. Tout était très lent et calme, voilà. Donc média écrit. Non, j'ai été aussi, j'ai fait beaucoup de... enfin, beaucoup, pas mal de télévision et radio, enfin pas mal, beaucoup de radio et un petit peu de télévision. Et tout ça a été très très calme. Moi-même, je parlais beaucoup plus lentement que d'habitude, exprès. Et donc, j'avais le temps de... voilà, moi je restais... si vous voulez, ce à quoi je me tenais comme à un bastingage, c'était mon livre. Moi, je répondais par rapport à ce qu'il y avait dans mon livre. J'allais pas donner mes avis de moi, citoyenne, sur ceci ou sur cela. Je ne vois pas pourquoi moi, je le donnerais plus que mon voisin ou mon collègue. Vous voyez ce que je veux dire ? On va se quitter sur ces mots, mais peut-être pour donner l'accroche pour demain. On n'a pas encore donné le titre. Alors, je vais vous laisser, évidemment, vu que vous en êtes l'auteur, nous donner le titre de ce livre. Celui s'appelle « Il faut s'adapter » et le titre est entre guillemets, et les guillemets sont très importants. À demain, Barbara Stiegler. À demain, merci. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc